Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit, parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Et paradoxalement, ce n'est pas tout à fait faux. Crois-tu en la destinée ? Non. Et pourquoi ? Parce que je n'aime pas l'idée de ne pas être au commande de ma vie. Il y a à peine une heure, j'avais des phrases plein la tête. Là, je suis devant ma feuille, je me retrouve tout bête. Aucun mot ne vient, peut-être parce que c'est la fin. C'est la dernière des dernières et y aura pas de refrain. D'ores et déjà, mille excuses auprès de mes refrains. Ma seule erreur était d'avoir été trop vrai. D'être animé par la passion, et ça vous le savez. Mais mon pote, pour le son, vaut mieux être un enfoiré. Hip Hop Unity, belle utopie. C'était ma devise, maintenant c'est bien fini. J'étais un peu naïf, je rêvais toucher l'infini. Mais c'est un coup de canne. Qu'on te plante en catimini. J'ai fait trop de morceaux qui font des coups d'épée dans l'eau. J'ai taffé mes dorsaux car les traites sont dans mon dos. Je pèse tous mes mots et loin d'être parano. Mon bel Albi Carmo, j'en ai fait la démo. J'ai un caractère de chien, je ne vois que négatif. Invivable pour les miens, inquiétant pour ma mif. Trop lunatique pour dire je t'aime, instable à l'extrême. De la haine dans mes veines, l'amour on me la gaine. Je suis fatigué, dégoûté, aigri, blasé. Mon armure transpercée sous le poids des jaloux écrasés. Je jette l'éponge, dépose les armes, oui, moi le battant qui cachait toujours ses larmes. Des heures et des heures de travail acharné. De la sueur et des pleurs, je suis désespoir incarné. Des pages de drame, solitude internée. Une vie qui me condamne et m'a rarement charmé. Des gens qui ne rappent pas croient me donner des leçons. Critique à tout va mais ne connaissent rien au son. Viens faire un tour chez moi, tu verras de quoi je parle. La réalité te clouera, t'en es déjà tout pâle. Mais je reste fort et fier de mon écriture, de mes scènes, mes actions, de mes frères, de ma culture, de mes thèmes. Je suis né révolté, impossible à calmer. Dans le rap survolté, certains voudraient me calmer. Je suis hip hop jusqu'au trip, gardez votre flambe. Écœuré de vos égo trips, je passe le flambeau. J'entends souvent dire, personne n'est irremplaçable. Sur ce, je tire ma révérence, mais garde le sourire en façade. Ouais, allô. Ah, salut mon pote, c'est Mathieu là. Ah, salut mon frère. Ah, je viens d'écouter ton son là, le mot de la fin. Mais franchement, laisse-moi 2 minutes pour te convaincre. Tu vas changer d'avis, je te garantis. Ouais, tu crois. Et tu sais, frère, sur plusieurs points, je te rejoins. Le rap, j'y suis depuis quelques années. Et au plat, toujours abonné. Parfois, je me dis, plus rien à donner. Car pas adoré, mais crois-moi, pas prêt d'abandonner. C'est comme de la randonnée. C'est dur et long, et peu de réconfort au fond. Mais dans le fond, toujours à fond dans le son. Même si je sais que je ne fais pas danser, pour moi c'est dans le sang. On grandit au sein d'une société qui est mal parée. Plus rien nous mêle par eux, mais je veux par tout moyen mettre la barotte. Dans le rap, j'y suis, j'y reste. Et ceux qui veulent ma place tant qu'à me test. Tu sais, je suis loin d'être le best, mais loin aussi d'être le plus bête. J'ai plein de choses à dire, à écrire. Pas là pour faire plaisir aux minots de 14 piges qui se prennent la tête, ou aux plus grands qui se la pètent. Peace of and unity restera toujours mon slogan, avec ou sans le vent en poupe. N'écoute pas ces faux bouts qui le crâne te bourre. Faut rester authentique, autant te dire que si tu veux vendre, autant que tu tires. Mais je te connais, frère, de pur verre, chargé de vérité et de vécu. Mais ça fait chier, donc plein le cul. Hey, la rage dans nos pupilles, comme celle d'un cancre à son pupitre. Mais nos textes pullulent, parfois passent mal, comme de mauvaises pilules. Le rap, moyen d'extérioriser, car la tristesse semble enfermée. Comment c'est nul, comment c'est nul de voir que les gens réagissent pas. Reste neutre face à la réalité, trop ingrat, même sans les potes. Sans l'époque, je baisse pas mon froc et m'en fous du fric. Le truc qui met la trique, c'est Pera, et tu m'enlèveras pas. Quoi qu'on me dise, j'y suis accro comme à la tease. Mais après comprends qu'on soit à cran ou que le blaze on frise. Regarde comment je débite, me défoule sur le beat. Écoute, je m'adresse à toi frère, mais surtout aux gens qui n'en ont rien à foutre. Retiens le message, hip hop, non-stop. Tu t'opposes et c'est le carnage. Car je nage pas en plein délire. C'est vrai que certains n'écoutent même pas les messages que l'on délivre. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. En étant vrai dans le fond, c'est dans nos propres pattes que l'on se tire. Ouais, c'est dans nos propres pattes que l'on se tire. Sur ce, je me tire. LRAC.